croire quand tout est sombre autour de toi, quand aucune lumière n'apparaît à l'horizon et ne reste pas sur le bout des lèvres, mais l'est imprégnée d'une force active que rien ni personne ne peut ôter. Pour la foi en soi, c'est posséder un passe-partout qui ouvre toutes les portes devant toi. Il te suffit d'implorer le ciel simplement afin de l'acquérir, et ta requête sera exaucée et ta vie changera.